encore mes millions. Il y avait du monde et ma grande misère. Ils me tenaient les lâches, moi mourant. Ma solitude est soudain son grand compagnon. J'étais enfermé pour sortir de cette façon. Sur le balcon de l'admirant la population. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce que j'y peux? Mais qu'est-ce que j'y peux? Cet homme indigné, anormal, qu'on mette la corde sur le champ. À mort cet homme qui a pu faire du mal, que je périsse avec la croix me regardant. Pourquoi la haine, j'aimerais aussi en avoir. Je n'ai rien et je réalise pas très bien. Je suis anéanti, le mort sera ce soir. J'y peux rien. Tu m'entends? J'y peux rien. J'y peux rien. Y'avait du monde et j'étais tout seul. Seul contre les néants et le monde entier. Seul contre mon destin et plusieurs orgueils. Y'avait du monde et il fallait. Il y avait du monde qui crachait mon sang. Il criait sans scrupule à bas ce chien mort. Et mes souvenirs de folie pleine d'inconscient. Ça me rongeait de l'intérieur et tout dehors. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Mais qu'est-ce que j'y peux rien. Il y avait du monde avant, c'était désert. Il criait encore et encore m'humiliant. Il y avait du monde et ma grande misère. Il me tenait les lâches, moi, mourant. Je tomba subitement dans le vrai vide. Tirant la corde, mais rien à faire. Je réalise que je suis bien trop stupide. Ils m'ont dénoncé avant de les taire. Il y avait du monde et moi j'étais sale. Seul au début et seul à la fin, juste sale. Mais qu'est-ce que j'y peux? J'y peux rien.